نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله، الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين وأرسله رحمة للعالمين وجعل طاعته من طاعته، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل محبته في اتباعه صلى الله عليه وسلم فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فصلاة وسلام عليه أتمان أكملان، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار الذين فضلهم على الورى وشرفهم بصحبته ورضي عنهم ورضوا عنه. قال عز من قائل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إخوة الإيمان، إننا في زمن القابض على دينه فيه كالقابض على جمر، زمن تموج فيه الفتن موج البحار، زمن وجب أن نتمسك فيه بسنة الحبيب المصطفى وسنة المهديين من بعده، نعض عليها بالنواجذ. إخوة الإيمان، نتدارس وإياكم اليوم موضوعا خطيرا جسيما، إنه متعلق بمفرزات ما يسمى بالتطرف ونتائجه، إنها ظهور الفرق الضالة التي تؤرق اليوم، تؤرق الضمائر وتفتن الشباب لتفشي الجهل. نتدارس اليوم وإياكم فتنة القرآنيين. من هم القرآنيون؟ وكيف رد عليهم كتاب الله عز وجل والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نتدارس وإياكم هذا الموضوع؟ لتفشيه اليوم، تفشي هذه الظاهرة، هذه الفرقة الشاردة، تفشيها عبر وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي وافتتان كثير من الشباب بهؤلاء المتفيهقين الرويبضة الرؤوس الجهال. Mes chers frères, mes chers sœurs, nous sommes dans un monde troublé où celui qui veut pratiquer sa religion est semblable à celui qui tire une braise. Nous sommes dans un monde où les sectes prolifèrent. Face à l'extrémisme littéraliste, il y a malheureusement une prolifération d'un réformisme extrémiste qui nie les sources fondamentales de la religion et qui veut en découdre avec cette religion. Et l'ennemi vient de l'intérieur. Il s'agit de nos co-religionnaires qui, pour un certain nombre d'entre eux, à cause de leur ignorance et de leur arrogance, tombent dans les pièges des sectes. Et aujourd'hui, on va détailler le danger et la réponse face à une secte dangereuse qui commence à proliférer, notamment sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la secte des coranistes. Qui sont les coranistes? Et que dit le Coran face à cette secte. Ikhwat al-Iman. Inna Allah tabaraka wa ta'ala amara bi ta'ati habibihi al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Alladhi arsalahu bil huda wa din al-haq. وأرسله بثلاث أمور لا يمكن التفريق بينها أبدا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الكتاب، الحكمة، التزكية، أمور لا يمكن التفريق بينها لمن كان يريد أن يقيم دينه أحسن قيام بدينه أحسن قيام. لمن كان يريد أن يقيم الدين لابد أن يعتبر هذه الثلاث: إسلام وإيمان وإحسان، كتاب وحكمة وتزكية، قلب وعقل وجسد. واليوم إخوة الإيمان هناك من الناس من ينكر السنة، ينكرها، وقد كثرت هذه الظاهرة وتفشت. الله تبارك وتعالى يقول عن السنة، عن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. لأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه هي في الحقيقة طاعة لله عز وجل واتباع لله عز وجل. ويقول عز من قائل: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيما قضيت حرج ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. فمن شروط الإيمان اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة رسول الله، ومحبته واتباعه مقترنان، لا يمكن أن تدعي محبته إذا لم تتبعه. ويقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فردوه إلى الله، ثم إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزكية ما يقول، يقول الحق عز وجل في سورة النجم عنه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. Mes chers frères, mes chères sœurs, cette secte des coranistes prétend que la sunna n'est pas à prendre, n'existe pas carrément, qu'elle est soi-disant douteuse. Nous leur disons qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous ordonne de suivre Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est le seul véhicule transmetteur de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sans lui, on ne saurait pratiquer cette religion. Allah tabaraka wa ta'ala dit de lui qu'il a été envoyé par trois choses essentielles et indissociables: le livre, le Coran que nous mémorisons par cœur, la sagesse, et la meilleure des sagesses, c'est sa sunna, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la tazkiya, la purification. Ce sont trois éléments indissociables pour pratiquer correctement la religion. Et Allah tabaraka wa ta'ala fait l'éloge de la sunna dans le Coran en disant celui qui obéit au messager d'Allah, eh bien il ne fait qu'obéir à Allah. Et il nous dit également que nul ne sera véritablement croyant. Fala wa rabbika. Il jure qu'ils ne seront véritablement croyants s'ils ne se soumettent pas à toi, au messager, qu'ils ne te suivent pas, toi, au messager. Qu'on ne peut pas prétendre l'amour d'Allah si on ne suit pas le prophète. Et il dit également, ce que le prophète vous apporte, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, il ne vous interdit pas cela de son propre chef. Alors évitez-le. C'est une révélation divine. Dans la sourate l'étoile, Allah nous rappelle que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas de la passion. Il dit, et il ne prononce aucune parole de lui-même, de sa passion. Tout ce qu'il prononce est une révélation. Wahyun yuha. Wahy. Il appelait ça wahy, révélation. Ainsi, celui qui nie la sunna ni une grande partie de la révélation. فالذي ينكر سنة الحبيب المصطفى وسنته هي أقواله وأفعاله وتقريراته بل كل حياته صلى الله عليه وسلم في حال الغضب وغير الغضب في حال الحرب والسلم وما إلى ذلك حتى إن صحابيا سأله أنكتب عنك أنأخذ عنك وأنت غضبان قال نعم فإن هذا اللسان لا ينطق عن الهوى إن الله تبارك وتعالى يوحي إليه عبر جبرائيل عليه السلام لهذا من أنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر جزءا عظيما من الوحي ولا أدل على ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحذر فيه ويقول يوشك أن يأتي رجل شبعان على أريكته يقول ما أجده في الكتاب أي في القرآن حلالا فهو الحلال وما أجده في الكتاب أي القرآن حرام فهو الحرام ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه ومثله معه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà mis en garde de son vivant en disant viendra un jour un homme rassasié sur son divan, en toute arrogance, viendra dire « Eh bien, ce que j'ai dans ce livre, c'est-à-dire le Coran, c'est ce que je dois prendre. Tout le reste, je n'ai que faire. Ô gens, j'ai reçu le Coran et pareil comme lui. » Ainsi, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est composée de ses paroles, de ses actes, de ses approbations, de toute sa vie, de ses comportements, doit être prise en compte. C'est de la révélation. Et le prophète, dans ce hadith, il nous a dit clairement qu'il a reçu le Coran et pareil comme lui. Et ce n'est qu'à travers sa sunna qu'on peut comprendre correctement le Coran. Ce n'est qu'à travers sa sunna qu'on peut expliciter le Coran. Ce n'est qu'à travers sa sunna qu'on peut apprendre même nos pratiques cultuelles et comportementales. كيف تتعلم الصلاة إذا ألغيت السنة؟ الصلاة ليست موضحة في كتاب الله، الصلاة مفصلة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا مثال. La salah, la prière canonique, les cinq prières canoniques, ils ne sont pas détaillés dans le Coran. C'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui les détaille, qui les montre. Et donc celui qui prétend suivre cette religion en niant la sunna, Nous leur disons, mais comment tu peux faire alors pour ta pratique culturelle et comportementale, etc. La prière n'a été détaillée qu'à travers la sunna. Priez comme vous m'avez vu prier. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Et le plus grave, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est que ces gens-là vous mettent le doute dans ce qu'on appelle la transmission, en commençant par diffamer les compagnons. Très important. Nous voyons la libération de la diffamation de nos pieux prédécesseurs. Au nom de quoi? Au nom de la liberté d'expression. Ils détruisent la religion de l'intérieur. Ce sont nos co-religionnaires qui commencent à créer un mouvement qu'ils appellent libérateur, où ils mettent en cause nos référents, nos pieux prédécesseurs, nos compagnons. وهؤلاء إخوة الإيمان مبتدأهم أنهم يطعنون في الصحابة وفي التابعين وفي تابع التابعين. الله تبارك وتعالى مدح الصحابة. الله تبارك وتعالى اصطفى صحابته صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم على العالمين. فإنه نظر في المشارق والمغارب منذ بدأ الخلق إلى أن ينتهي إلى أن يبعث الله الخلق فوجد أن الصحابة خير خلق الله بعد رسول الله على الإطلاق فاصطفاهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فاصطفاهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم أفضل خلق الله على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لذلك قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أي أن الله تبارك وتعالى رضي عنهم ورضوا عنه فماذا بعد هذا؟ هذه تزكية عظمى لهؤلاء الصحابة الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل إعلاء كلمة الله في سبيل إيصال هذا الدين محجة بيضاء ليلها كنهارها فيأتي أبناء اليوم أحداث الأسنان أصحاب المراهقة الفكرية يسبون ويطعنون ولا علم لهم بل يحملهم على ذلك الكبر والبغض والجهل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى حذر وقال إذا ذكر صحابتي فكفوا ومن آذى صحابتي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يهلكه الصحابة خط أحمر كلهم تعريف الصحابي كل من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عاصره وشاهده أو صاحبه ولو لهنيهات وآمن به فهو صحابي اختاره الله تبارك وتعالى لذلك اختاره الله تبارك وتعالى ولم يختارك أنت اختاره هو لذلك والله هو الحكيم الخبير العليم بالسرائر Je disais donc mes chers frères, mes chères sœurs, ces gens commencent par diffamer la notion de transmission, par insulter nos compagnons, nos référents et leurs compagnons et les compagnons des compagnons. Il faut savoir que les compagnons, Allah tabaraka wa ta'ala les a élus, les a choisis. Allah tabaraka wa ta'ala, le connaisseur des secrets, il a vu toutes ses créatures du début de la création jusqu'à la fin. Et il a vu que les meilleures des créatures qui étaient dignes d'accompagner son dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam, était ces gens-là. Et il les a donc élus, choisis. Et donc, ils sont de loin les plus pieux, les plus scrupuleux, les plus nobles. Celui qui les diffame, c'est un ignorant arrogant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde contre cela. Il a dit, quand mes compagnons sont cités, faites très attention à ne les citer qu'élogieusement, à ne pas les juger et à ne pas juger ce qui s'est passé entre eux. Les conflits, c'est humain. C'est une leçon pour nous. Ne jugez pas ce qui s'est passé entre eux, nous dit-il. Et il nous dit, ne citez-les qu'élogieusement. Car même si l'un de vous dépensait l'équivalent du mont de Uhud en or, il n'égalerait même pas la poignée ou la demi-poignée de vous. Même si quelqu'un dépense le mont de Uhud en or, il n'égalerait même pas la poignée ou la demi-poignée de l'un des compagnons. Ces gens-là ont été choisis par Allah tabaraka wa ta'ala pour être en compagnie du dernier messager sallallahu alayhi wa sallam, pour le soutenir. Ils ont tout sacrifié pour lui, ils l'ont aimé. Et Allah tabaraka wa ta'ala en récompense, il a dit dans le Coran, à propos de ses compagnons, eh bien, ces émigrés et ceux qui les ont soutenus, les Médinois, Allah est satisfait d'eux. Allah est satisfait d'eux. C'est le Coran qui nous le dit. Après ça, si on croit dans le Coran, on ne peut que respecter les compagnons. Et personne ne peut prétendre qu'il est plus pieux, plus scrupuleux, plus noble que les compagnons. Et le prophète sallam a témoigné de leur station, de leur noblesse, de leur intégrité, en disant « La meilleure des générations, c'est la mienne. » Khairul Quruni Qarni. Puis celle qui les suit. Puis celle qui le suit. Les trois premières générations. Les compagnons, leurs compagnons et les compagnons de compagnons. Ainsi, leur transmission est la plus authentique. Leur compréhension des dires et des faits du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la plus authentique et la plus digne d'être suivie. Et ceux qui sont séduits par un réformisme aveugle n'ont qu'à bien se tenir, parce que les critères, même scientifiques, de ces gens-là étaient les critères les plus stricts pour la transmission correcte, authentique et intègre, qui respecte à la fois ce qu'on appelle sanad, la chaîne de transmission, et le matn, le contenu en lui-même. Ainsi, mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète nous met en garde. Il nous dit, celui qui blesse, qui insulte, qui diffame un de mes compagnons, il me blesse. Et celui qui me blesse ou qui m'insulte, c'est qu'il a insulté Allah tabaraka wa ta'ala. Donc faisons très très attention à là où on met le pied. Ce sont des personnes de la plus haute noblesse, de la plus haute intégrité. Ce qui nous ont transmis est ce qu'il y a de plus authentique. Et si on veut rester sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut respecter cette transmission, prendre en considération cette transmission et suivre les dignes héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont les savants, et ne pas dévier du chemin des savants qui sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour finir, à l'unanimité des savants, à l'unanimité des savants, qu'ils soient premiers ou derniers, celui ou celle qui nie la sunna volontairement, sans l'ignorance, celui qui nie volontairement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il tombe dans le kufr, walayyadu billah. Pourquoi? Parce qu'il nie une grande partie de la révélation. Très clair. Donc, à chacun de nous de choisir de rester dans la foi ou de changer sa foi pour autre chose que cette religion. Parce que cette religion, la sunna, en est un pilier fondamental. La sunna en est un pilier fondamental. Et celui qui insulte un compagnon, qui diffame un compagnon, qui dit du mal d'un compagnon, il commet là un grave péché, kabira. Et la définition d'un compagnon, pour finir, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est toute personne, homme ou femme, qui a vécu avec le prophète, même quelques secondes, qui a vu le prophète, même quelques secondes, et qui a cru en lui. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna min ar-rashidin fadlan minka wa ni'mah amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الواحد بلا عدد، الحمد لله رافع السماء بلا عمد، الحمد لله لم يولد ولم يلد، الصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمقتدي. أما بعد، إخوة الإيمان، قلنا أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب لازم لازم لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، واتباعه يستلزم اتباع سنته ويستلزم الثقة، الثقة في الذين أخذنا عنهم ونأخذ عنهم. فإذا انهدمت تلك الثقة انهدم الدين. ولهذا سمي المؤمن مؤمنا، لأنه يأمن، عنده أمانة، يؤتمن ويأتمن. Mes chers frères, mes chers sœurs, nous venons d'expliquer, preuve du Coran à l'appui, preuve de la Sunna authentique à l'appui, que la Sunna est une partie intégrante de la révélation de cette religion. La Sunna, elle est composée du hadith, c'est-à-dire de la parole du prophète sallam, ainsi que de l'ensemble de ses actes, approbation, comportement. Et le véhicule de transmission de cette sunna, ce sont les compagnons, hommes et femmes, dignes de confiance. Et je souligne « dignes de confiance », puisque le mot « iman », comme on l'a vu plusieurs fois, est synonyme de confiance. « Al-mu'minu man aminahu an-nasu ala amwalihim wa anfusihim ». Le mu'min, sémantiquement, c'est celui qui a confiance. Donc toute la religion est basée sur la confiance. Si on perd la confiance en nos pieux prédécesseurs, si on perd la confiance en nos savants référents, eh bien on perdra la confiance dans Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On perdra confiance par le même biais au Coran. Donc c'est une étape, méfiez-vous. Ces sectes-là vous entraînent petit à petit vers la négation des religions. La négation des religions. La première étape, ils diffament les compagnons et les compagnons des compagnons. La deuxième étape, ils diffament la Sunna. Et puis la troisième étape, ils diffament le Coran. Et puis dernière étape, il n'y a plus de religion. Donc faisons très très attention à ce qui est en train de se faire là, aujourd'hui, grâce ou à cause d'Internet. Faisons très très attention à l'éducation de nos enfants sur ces fondamentaux qui sont l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le respect de nos pieux prédécesseurs, qui sont nos référents, grâce à qui on a eu cette transmission correcte, authentique, à travers une chaîne authentique ininterrompue. Et n'hésitant pas, quand il s'agit de comprendre un hadith ou un verset, de se référer vers les savants, parce que c'est eux qui connaissent les détails de chaque hadith, de chaque verset, son contexte, sa chronologie, son statut. Est-ce que ce hadith est authentique ou pas? Est-ce que ce hadith est abrogé, abrogeant? Est-ce qu'il est spécifique à une situation ou pas? Ce sont ces savants-là qui détiennent cette science, ce savoir. Ce n'est pas Internet. Ce n'est pas les gourous des sectes qui ont des intérêts, qui ont des agendas. Donc soyons tous et toutes vigilants. Notre religion est une amana. C'est un dépôt sacré, précieux. Il ne faut pas qu'on la perde en allant la chercher dans les poubelles d'Internet ou sur n'importe qui. C'est une science. Le hadith est une science. Et on fera, inshallah, des conférences sur à la fois comment le hadith a été compilé, transmis, et aussi les statuts des différents hadiths et la science du hadith, inshallah, pour celles et ceux qui s'y intéressent. Aqulu ma tasma'un wa ja'ana Allah wa iyyakum ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعلمنا الله ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا وحفظنا وإياكم من البدع الضالة والفتن التي تموج موج البحار وجعلنا وإياكم ممن يتبعون سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويطيعونه في المنشط والبكره آمين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. توفي إخوان لنا كانوا في المكسيك في رحلة توفوا رحمهم الله وكانوا يرتادون هذا المسجد الكريم. الأخ علي السيسي ذهبت أمه إلى المكسيك كان في غيبوبة ثم مات، وكذلك أخونا سفيان مالكي وأخ لنا ديلان، هؤلاء شباب رحلوا في ريعان شبابهم فنطلب الله تبارك وتعالى لهم ولكل الموتى الرحمة الشاملة، وأن يجعلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الفردوس، وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان. Je disais donc, il y a des frères chez nous qui avaient l'habitude de prier dans cette mosquée qu'on aimait beaucoup, parce que ceux qui prient souvent dans la mosquée, Allah tabaraka wa ta'ala les aime, ils sont des croyants, ils ont la foi, c'est nos frères dans la foi. Ils ont perdu la vie dans un regrettable accident au Mexique et d'autres aussi. J'ai cité leur nom et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala dans cette Jumu'a Béli, dans cette heure où les vœux sont exaucés, de les envelopper dans sa miséricorde et de leur donner le paradis auprès de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de leur donner à leur famille bonne patience. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ummat sayyidina Muhammad rahmha, ummat sayyidina Muhammad rafa'na alfitan ma zahara minha wa ma batan, ummat sayyidina Muhammad wahid sufufaha, وحيد صفوفها يا أرحم الراحمين. جعلنا من قلت فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لما أصلح ذات بيننا، لما أصلح ذات بيننا، لما أصلح ذات بيننا. كالله تبارك وتعالى réconcilie entre nous. Nous donne l'amour en Allah تبارك وتعالى entre nous, la solidarité entre nous. كالله تبارك وتعالى nous protège des sectes, nous protège des déviances, nous protège de tout extrémisme, quelle que soit sa forme et sa couleur et son enveloppe. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne à notre pays, la France, la paix et la prospérité et le bien vivre ensemble. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse régner dans notre monde la paix et la prospérité et le bien vivre ensemble. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on puisse avoir une paix durable. Allahumma aslih wulata umurina warzuqhum bitana salihah allati tadulluhum ala alkhair wa tu'inuhum alayhi ya arhamar rahimin. Ja'alna du'at la qudat. Qu'Allah fasse de nous les meilleurs ambassadeurs de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par le bel agir, par la beauté intérieure et extérieure. Allahumma ja'alna khayra sufara li hadha ad-din bil hal wal maqal bil kalima at-tayyiba bil akhlaq al-hasana ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Wa akhtim lana bil khatimati allati khatamta biha li anbiya'ika wa asfiya'ika wa awliya'ik. Hadha wa aktsiru min as-salati was-salim ala habibina wa shafi'ina wa mustafana Muhammad ibn Abdillah rasulillah. Allahumma salli alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه.